dozen of madmen, you shall succumb. Lila. Your cousin, a madman, you shall succumb to love, Lila. My love, Lila. Lila, my desires, my heart to love a woman, to love Lila. Lila, holo, holo, howitz, way, oh, light. Lila, a woman desires in free love. Pursuit there under, follow, poet's vision beyond a woman, Lila, desires in free love. Pursuit but Lila, follow, poet's way. I do the claim, shall not break our tribe, shall remain mad, very C'était Halim Eldab de Cairo. C'est une pièce de 1944. Halim Eldab, c'était un pionnier, une figure très importante de la musique concrète et des passerelles entre la musique classique traditionnelle et la musique électronique. Il a composé en Égypte des morceaux de musique concrète avant Pierre Schaeffer, mais il est bien resté inconnu ici en Europe. Ah, message, hello, wanda, ta, ta, yoga, and you got a message, molo, wanda, batalia. Ah, message, hello, wanda, ta, ta, yoga. Tu got a message, hello, wanda, batalia. Ah, message, molo, wanda, ta, ta, yoga. Jaya Shingo hi kawera kwe to pana vale. Jaya Saji hi dada ma kwe to pana vale. Batalya. Tukatuma misaji halo wa dada ata yake. Batalya. Tukatuma misaji halo wa dada munana. Batalya. Tata neje angete munana. Jaya Shingo hi dada ma kwe to pana vale. Jaya Saji hi kakosha kwe to pana vale. Batalya. Di gato ma misaji halo wanda de munana a misaji molo wanda batalia di rekere ni de moeje batalia nana di bakane ni de morelo batalia banana de mo ba muto da batalia batalia na de mo ba muto da melo banana ya ya se go ye kawe la kwe to pana ya ya se je ye kawe la kwe to pana to ma misaji halo wanda have an idea of what is happening. And the next morning, we went for breakfast at a rest house, a hotel. We saw Portuguese people that walked that night from the village that was attacked the night before that we watched, and we saw them coming into Rundu. And it made me realize something of what we know, you know, how much we know and how much we don't know. And also, when we went into those areas as actors, we travelled by combi, and we'll have to go in convoy and waited at certain gates for a long, long time. And I saw so many black corpses, and it was as though the white soldiers wanted to show us their trophies. And it's the red blood on the black skin that really made an impression on me, and the bravado of the white soldiers. Victor Gama de l'Angola, aussi connu sous le nom de Dembo. Il construit lui-même ses instruments. Et cette pièce en particulier, c'était une pièce documentaire sur la guerre civile qu'il y a eu en Angola, comme tout le monde sait. Qui Solo, Tori,

c'était Vava Band, une des seules femmes de la musique expérimentale chinoise qui compose avec son ordinateur en faisant du processing, du field recording qu'il réalise dans ses voyages. Musicien contemporain, jeune artiste du Bangladesh, Big Machete, qui compose des ambient drones électroniques. Thank you. On vient d'écouter Hassan Hui Hahiri de la Corée du Sud. C'est un musicien contemporain qui compose de noise et de la musique électroacoustique. On va continuer ce voyage de la musique expérimentale en Asie. C'était Hiwayan Sadra, sûrement un des plus intéressants musiciens pionniers de la musique électronique en Indonésie. Né en 1950, a été reconnu par ses détournements de la musique balinaise classique. Thay lời mẹ du tôi, ngủ đi con, mọi khi người ta chém giết đi con, mọi khi bom đạn sẽ trở. Khi con ngủ, mẹ sẽ ra ngoài sân chôn những xác người bị chết đêm nay, lấp lại màng mái tranh người ta vừa đốt cháy ban chiều. Khi con tỉnh giấc, mẹ sẽ mở cửa phía những cánh đồng chưa cháy để mỗi khi gió vào con không ngủ. Và khi con quan quan chức lỗ bom xoáy vào lòng đất và những ngôi mà mới, mẹ sẽ đổ lỗi cho dông tố đêm qua, cơn dông tố mà mẹ đã đặt vào hồn con hay đổi chiến tranh. Khi con lớn, người ta sẽ dạy cho con về trận chiến này và con biết mẹ đã dối con. Nhưng trong tim con hãy nhớ cơn dông tố mẹ kể cho con, thì dông tố mang đau thương tan tóc nhưng không mang hận thù. Sau dông tố, những con người hèn mọn sẽ cảm thấy gần với nhau hơn, phải không con? D'entendre une composition de Yann Mimaroglu et Freddy Ubar. C'est un disque sorti en 1972 en Turquie, mais qui avait composé dans les années 60. C'est un disque engagé qui traite la guerre et le racisme, et c'est parlé en vietnamien. était en Iran, plus précisément à Téhéran, dans les années 70, avec Ali Reza Mashayekhi, un des pionniers de la Persian Symphonic Music. Nous étions en Philippines en 2006 avec Cathode Ray et on va terminer avec un morceau avant ce voyage en Asie de la musique expérimentale et leurs pionniers. Avant de passer la console à Radio Pot-au-Feu, on va écouter une pièce de Ganza, c'est un musicien de Kazakhstan qui a commencé en 1980. À construire les synthes lui-même. Et maintenant, il habite en Allemagne. Il va continuer à construire les synthes et il commande les pièces en Russie.